Je m'assois dans ce parc, juste en bas de chez moi. J'allume un spliff, mon esprit part, oh, suis-moi. Ils demandent pourquoi j'écris misère et peine sur la platine. T'as pas besoin de sang, pas besoin de putain d'esquisse. Parfume l'air comme la marijuana. Même si on est tous dans la même merde. Ah, ici la vie c'est comme ça. Qu'est-ce que tu croyais? Dans mon quartier, les vrais ont trouvé mon emploi. Criminel au émissaire, la nuit il se déploie. Une grosse campus recouvre ma tête grillée. J'ai ma dose de son, puis tu reviens me voir le même soir. Je fais du rap ma vie contre la vie de beaucoup. Reviens ton crew qui sait comment cela peut se terminer. Bientôt les espèces viendront remplir mon sac, ils se battent les grosses buts jack. Je ne pourrai pas mettre son jeu jack. Ce n'est pas un poème, c'est toujours le même thème. T'as pas besoin de dessin, pas besoin de putain d'esquisse. J'ai toujours slow sans poésie. Et puis quoi, ça fait quoi, dis-moi toi qui sais tout. Excuse-moi, je crois que je suis perdu, ouais. Je peux se mentir, le temps n'est plus.